La gouvernante sud-coréenne a mis son veto au projet de révision de la loi du Parlement votée pour le parti au pouvoir et l'opposition. Ce projet de loi, dit « loi sur l'audition permanente », adopté le 19 mai dernier, à la dernière séance parlementaire de la 19e législature, consiste à réviser et modifier l'ordre d'exécution du gouvernement à la commission permanente du Parlement correspondante à travers l'audition, sans limiter les objets qui seront soumis à l'enquête. Pakune, qui était alors en tournée à l'étranger, y a mis son veto par voie de signature électronique en se moquant du Parlement, considéré nominalement comme symbole de collaboration et compréhension. Il s'agit du paroxysme de l'arbitraire pour la résurrection de la dictature rénovée et le maintien du gouvernement fasciste.